son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 des 15 secteurs Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Stôme, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 Boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de baseball. C'est un dossier que c'est lui-même qui a commencé qui l'a sorti. Par la suite, j'ai travaillé pas mal le dossier. L'avenue possible d'une Empire League Baseball à Ville-Saint-Denis pour la saison 2019. Il est animateur de l'émission dans le vestiaire sur les ondes de CKJ, mais il est aussi responsable des sports à Ville-Saint-Denis, Michel Tifot. Salut Michel! Oui, bon matin. Michel, je veux te parler avant tout. Honnêtement, je trouve ça bizarre. Puis je peux pas te blâmer parce que fort probablement que si j'aurais gagné mes élections moi-même, je serais responsable des sports à Ville-Saint-Denis, de Boom-Saint-Denis. Mais comment tu trouves ça? Tu sors la nouvelle, puis en même temps, c'est toi qui va travailler là-dessus. Ça, honnêtement, je trouve ça bizarre, mais je peux pas te blâmer parce que moi-même, probablement, ça aurait été ça. Ben, c'est un contact que j'ai, c'est dénommé Richard Lahaye, qui est dans la région de Trois-Rivières. Lui, il m'a contacté il y a quelques semaines pour savoir s'il y avait un intérêt à Saguenay. Ben, je lui ai dit, il y a toujours de l'intérêt, mais il faut faire attention, tu sais, ça prend des hommes d'affaires pour investir dans le projet. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à le faire? Ça, c'est une autre paire de manches. Pour ce qui est de la ville, je doute que la ville s'implique dans un dossier comme ça. Ils ont déjà beaucoup de choses à fouetter de ça ici. Ouais. Mais c'est sûr que c'est une belle ligue de baseball, c'est du professionnel. Mais l'autre point d'interrogation, Dani, c'est au niveau des assistances. On parle de 500 personnes. À 500 personnes, tu fais tes frais. Oui, mais il faut aller chercher, là. Dani, regarde un peu ce qui se passe actuellement dans le monde du hockey. La Ligue nord-américaine, par exemple. Oui. La Ligue junior majeure du Québec. T'sais, les assistances sont en baisse depuis. T'sais, la population sportive a beaucoup de choix pour les amusements. Ça peut être des spectacles, mais au niveau du sport, les gens ont beaucoup d'activités. Ah, c'est clair. Et c'est clair. C'est clair. Les assistances sont en baisse au niveau du junior majeur dans le hockey. Dans le hockey de la Ligue nord-américaine, même chose. Pourtant, les Marquis présentent un Moses de bons produits depuis 2-3 ans. Puis, on a 300-400 spectateurs de moins au match. Les voyageurs de Jonquière, à part les séries éliminatoires, quand il y a un match spécial comme l'année passée, les Cubains, là, les voyageurs, il attire à peu près 150 personnes. Ouais. Moi, je ne suis pas certain qu'une ligue de baseball est capable d'attirer une moyenne de 500 spectateurs, de 400-500 spectateurs. Je ne suis pas certain, là. OK. Sauf que. C'est ça, l'occasion. Sur les médias sociaux, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a des gens qui disent ça va nuire aux voyageurs, ça va venir, ça peut venir au calibre inférieur. Sauf que je t'ai envoyé la cote, j'ai eu Michel Laplante. Je t'ai envoyé la cote, je ne sais pas si tu l'as passé à ton émission. Michel Laplante dit c'est bien fait, oui, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon. Ça peut bien se passer. Moi, je vois pas ça d'un mauvais oeil, Michel. C'est pour le développement du baseball. Et moi, ce qu'on me dit, c'est Pour le développement du baseball, là, je vois ça d'un très bon oeil. Il y a deux, trois problématiques. La première chose, qui va investir? Ben, ça, semble-t-il que ce qu'a demandé à la ville, c'est que, semble-t-il, les gens de la ville auraient peut-être mal compris ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voudrait, c'est faciliter un petit peu des modifications au stade Richard Desmeux. Ça, Dani, c'est pas de l'argent, ça, là. C'est pas de ça que je parle. Qui va investir de l'argent? Je parle pas des services, là. Je parle de l'argent. Alors, quels sont les hommes d'affaires? Tu sais, il n'y en a pas tant que ça qui courent les rues. Depuis trois ans, Danny, les deux propriétaires des Marquis, là, Marc Boivin. Depuis trois ans, ces gars-là le disent publiquement. Qui est intéressé à embarquer avec nous autres, les Marquis? Il n'y a pas personne qui s'est levé. Ah. Et pourtant, les Marquis font leurs frais depuis deux, trois ans. Là. C'est du hockey. Ouais. Mon gros questionnement pour le baseball, puis oui, c'est un beau circuit de baseball, oui, c'est le fun d'amener des projets, mais il faut faire vivre les projets, là. Ouais. Alors, qui va se lever, va dire, ben moi, j'investis 100 000 ou 50 000 dans le baseball? Ouh! Ça, c'est la première grosse question. Mais, Michel... Si t'as pas d'investisseur, tu n'as pas de baseball. Ouais, Michel, ce que je veux te dire, puis tu m'as pas fini, ce qu'on semble vouloir dire du côté des gens qui veulent emmener le baseball à Jonquière, c'est que c'est plus pas du côté de la ville, c'est plus du côté du stade Richard Desmolles, des modifications, puis faciliter un petit peu l'avenue d'une équipe. Ça semble ça que du côté de la ville, du coup, du côté du promoteur, ça semble beaucoup plus ça que l'argent. Ouais, mais ça peut toujours se faire. Ouais. L'autre chose, il faut consulter les gens des voyageurs. C'est eux autres qui sont c'est eux autres qui utilisent actuellement le Stade Richard Desmolles. Puis les autres ici, ils disent, ah, vous allez scraper notre baseball junior. Ben, et ici, ils disent, ben oui, ça prend tout le baseball. Ben là, c'est un autre paire de manches. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir. C'est un dossier que je vais suivre de très, très près. C'est sûr que toi, t'es bien placé aussi. Moi, aussi, j'ai les contacts. On vise la saison 2019. Si je te répondrais là-dessus aux gens des voyageurs, c'est la même chose que Michel Laplante m'a répondu. Si c'est bien fait, il y a moins de problèmes. Deuxième aspect, Michel, je veux te parler de San Jorge Vézina. C'est sûr que t'as pas sorti beaucoup en tant que en tant que gars de la ville. Ça a brassé pas mal au cours des dernières semaines le dossier, la sortie de Gilles Courteau. Je peux comprendre, Michel, que les gens ne sortent pas. Vous êtes à quelque part dans une période d'apprentissage, toute la gang. Là. Des dossiers, etc. C'est pas une question d'apprentissage. C'est ouais. Une question de logique. Est-ce qu'il y a de l'argent? Mais Phil Desgagnés fait la preuve. Phil Desgagnés a fait la preuve. Tu l'as vu dans le quotidien? Phil, il n'est pas à ville. Il ne voit pas le chiffre, là. Il ne voit pas le chiffre. Évidemment, c'est un gros dossier, le Saint-Georges Vézina. Oui. C'est un gros dossier qui coûte cher. Maintenant, moi, comme élu, ça prend de l'argent. Mais si Shawinigan était capable d'avoir, puis Shawinigan, je te l'ai fait le portrait la semaine passée de ton émission, ouais. Shawinigan, c'était pas beau non mais plus. C'est pas comme ça qu'on analyse un budget. C'est pas comme ça qu'on... C'est pas en regardant ailleurs. Puis, mais tu peux t'inspirer. Ils ont eu des subventions aux gens chrétiens. On retourne dans le passé, là. Mais on va regarder la situation réelle. Mais la Michel, situation réelle. Philippe Couillard a dit il y a trois semaines que c'était son dossier. C'est un dossier. Au courant de ça. Oui, je sais. Je sais, Danny, que Philippe Couillard est prêt à mettre de l'argent dans ça. Mais il ne paye pas. S'il paye la totalité de Saint-Georges-Vézina, est-ce que ça pourrait être un PPP avec le Soccer Dome? Ça pourrait tout engloutir ça? C'est deux dossiers complètement différents. Tu peux pas le mettre dans le même puis devenir un centre multifonctionnel qui pourrait fonctionner? Ça devient trop gros, trop cher. OK. OK. Le Soccer Dome, ça pourrait... Le Soccer Dome, Danny, le Soccer Dome et le Centre Georges Vézina, c'est deux dossiers différents qui vont être traités, ça je peux te le dire, là. Ouais. Ça va être traité différemment. OK. Oui. Mais Michel... Je te dis pas que ça se fait demain matin, là. C'est des dossiers différents. OK. Et ça prend de l'argent. OK. Michel, je t'ai fait dans l'entrevue avec Michel Laplante, c'était pour parler aussi du dôme sur Stade Canac à Québec. Ça va virer de façon très, très positive au niveau financier. Il n'y avait pas moyen de s'inspirer de ce dôme-là? Peut-être mettre un dôme sur Stade Richard Desmolles, je pose la question comme ça, là. C'est pas possible. Ça peut se faire aussi. C'est toujours aussi. Une question de coût. Et oui, si ça se fait à Québec, ça peut se faire au sac. OK. Ça dépend toujours des années. OK, OK. Michel, on va faire une pause. Là, je vais m'adresser aux journalistes sportifs. Je ne m'adresse pas aux conseillers politiques. Je veux savoir, je veux avoir ton opinion sur ce qui s'est passé vendredi dernier à Forestville. Vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec Michel. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison-Besson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison-Besson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Ici Pascal Cloutier, maire. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. L'entreprise Usinage Numérique HB du 210 rue Beauchamp à Dolbeau-Mistassini connaît une croissance phénoménale. Les propriétaires messieurs Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thériault viennent d'investir une somme de $600,000 qui permettra d'agrandir ses locaux et offrir une nouvelle gamme de produits qui fait fureur dans l'industrie du camionnage. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Tels sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB 418-239-08 2-7. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désire remercier sa distinguée clientèle et profite de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-93-83. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. On est de retour à danadosport.com. Michel... La Ligue senior du Lac-Aux-Fleurs, je sais que t'en as parlé autant que j'en ai parlé hier ici même à Dan Radio Sport. C'est pas beau ce qui est sorti, ce qui est arrivé. Puis toi, t'as une vaste expérience du hockey senior. C'est sûr que t'es témoin au cours des dernières années, mais t'es pas mal un des débutants, celui qui a démarré le senior à Jonquière. T'en penses quoi de ce qui s'est passé la semaine passée? Danny, un seul mot, les débordements. Les débordements hors glace. Sur la glace, ce sont des gars qui s'engagent à jouer dans cette ligue-là, que ce soit pour jouer au hockey ou pour se battre, peu importe. Mais en dehors de la glace, moi, je pense toujours aux spectateurs. Que c'était même dans le temps des Condors, c'était ma priorité. Je me disais, faut pas que des spectateurs soient blessés ou quoi que ce soit. Il faut pas qu'il y ait de débordement dans la foule. Après ça, ben, j'ai travaillé, j'ai été copropriétaire des Marquis. C'était la même chose. Quand cette ligue-là est arrivée, je l'ai dit à la radio, si les gars veulent jouer au hockey, jouent au hockey. S'ils veulent faire de la bagarre sur la glace, ils ont le droit. Et c'est les débordements. C'était ma peur, c'était ma crainte. Je me disais, à un moment donné, trop de publicité, la foule est crinquée, il peut y avoir des débordements. C'est ça qui est arrivé. Puis, heureusement, il n'y a pas eu de blessés majeurs. Il y a eu deux dames de blessés légèrement. Sauf que ce que les gens savent pas, Michel, ce que les gens savent pas, dans ce qu'on a vu, ce qui est sorti partout, qui est fait autour du Québec, un joueur s'en prend à un spectateur. Ce que les gens ne savent pas, par exemple, c'est que le spectateur est en train de battre la femme de la blonde d'un des joueurs. Tu fais quoi, là? T'es un joueur, tu vois ça, là? Ouais. Ben ouais, ça, je comprends ça, là. Mais nous, comme chroniqueurs sportifs, là, on est rendu loin, là. Là, il faut faire une enquête qui a commencé. Le rôle du chroniqueur sportif, Danny, c'est pas de faire des enquêtes à savoir s'il y a des débordements. Mais il veut pas ça. C'est qui a commencé, là? On n'est plus dans notre travail de chroniqueur sportif. Mm. Moi, là, je te dis à la base, il ne doit pas y avoir de débordement dans la foule et il faut protéger les spectateurs. Et les spectateurs, Danny, ça veut dire les enfants, les dames et les personnes de certain âge. Okay. Les deux gars de 25-30 ans qui ont un verre dans le nez et qui veulent se prendre, ils se prendront, là, mais tu sais, c'est les débordements, faut protéger les spectateurs, faut protéger la foule, ce sont eux qui paient les billets pour rentrer. Ils n'ont pas à être victimes d'une foire dans l'assistance. Ouais. Mais tu vois quoi la suite des choses? Est-ce que tu penses que, parce que les preuves sont faites qu'il y a un beau produit, et ça peut marcher. Écoute, ici à Dolbeau, il y a 700 personnes par match. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Jonquière, c'est un petit peu moins parce que, écoute, il y a tellement de hockey. L'idée de départ de Bob Desjardins est très bonne, là. Ouais. Oui, il y a des mots juste de bons joueurs de hockey, que ce soit à Dolbeau, que ce soit à Jonquière, que ce soit à Le Mans ou à sa Côte-Nord. Il y a des très bons joueurs de hockey. L'idée de départ est très bonne. Ça a bien parti. Calais, moi, j'ai entendu parler du Calais de jeu. Il y a des très bons joueurs de hockey. Et là, il y a eu un premier débordement à un moment donné entre Jonquière et Forestville. La réplique est venue de Forestville. Ils se sont dit, nous autres, on n'en a pas, on va aller en chercher. Ben oui. Part, beaucoup de publicité. Donc, les esprits s'échauffent. C'est là que les débordements. C'est là que je dis qu'à quelque part, puis c'est, tu sais, Jonquière, il y a un problème, mais Forestville avait mis de l'huile sur le feu, puis tu règles pas un problème en mettant de l'huile sur le feu. Exactement. Michel, je vais te laisser parce que tu t'en vas à la radio à CKJ. Moi, on se parle à 15h45 sur les ondes de CKJ. Sûrement, ça me fait plaisir. Collaborateur Michel Tifo.